Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. Les palmarès C'est fou présentent C'était fou en 2011. Mmh. Bonjour et bienvenue à C'était fou en 2011, la rétrospective de l'année 2011 au complet des palmarès C'est fou. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marc-Pierre Laforge-Bourret. Oui, et pendant les quatre prochaines heures, oui, quatre prochaines heures, pas trois, quatre. Quatre. Hein? On va vous présenter le top 25 francophone et top 25 anglophone des pièces les plus appréciées. En fait, les pièces qui ont le plus joué longtemps dans les palmarès C'est fou. C'est comme ça que ça fonctionne, le principe de la rétrospective. C'est un petit peu plus... C'est pas ce qu'on pense. C'est pas les meilleures pièces nécessairement, tu sais. C'est ceux qui ont pu jouer le plus souvent. C'est ça, et le plus longtemps. Donc, des fois, on parle de pièces qui ont duré 12 semaines, peut-être, environ, le maximum que je vois ici, 12 semaines de suite. Donc, c'est quand même beaucoup, là. Ouais, et il y a d'autres pièces, évidemment, qui sont peut-être meilleures que ça, mais elles n'ont pas duré si longtemps parce qu'on essaie de changer les extraits de temps en temps. Donc, c'est pour ça que ça donne comme ça. On va entendre plein de bons groupes dans cette émission-là, mais on veut vous réserver des surprises. Alors, on va commencer par les 25 et les 24e places d'un coup sec. Du côté anglophone, on va entendre Cardinal Family Singers avec la pièce qui s'appelle You Will Never Take This Song. Et ça, ça a duré 8 semaines sur le palmarès. Ça a atteint la position numéro 1 la semaine du 29 mai au 5 juin. Voilà. Et du côté francophone, c'est les Gigs avec Qu'est-ce que tu fais? Ça a atteint le palmarès numéro 1 du 6 au 19 juin. Voilà. Et ouais, tout comme la 25e fois anglophone, c'est resté 8 semaines de temps. Exactement, on va rester dans les 8 semaines de présence pour un petit bout quand même. Là. Ça prend du temps dans le palmarès avant qu'on arrive à 9 semaines. On en parlera plus tard. Mais pour l'instant, les Jigs ou Gigs ou Gigolo, dépendant. C'est comme vous voulez. Of my door.

We'll be right back. Cafard avec Halogène en position numéro 22 de l'année 2011. Ça a duré 8 semaines et ça a atteint le numéro 5 la semaine du 24 au 30 juin. Et en 22 anglophone, on aurait été supposé entendre The New Pornographers avec My Shepherd, chanson qui est restée pendant 8 semaines au numéro 1 également, en janvier et février passé. Parfait. Et New Pornographers, on va les retrouver plus tard dans l'émission parce qu'ils ont une autre pièce dans le top 25 anglophone. On va aller aux positions 21. On va entendre seulement les 21 dans ce cas-ci. On va arrêter de faire des longs blocs là, pour un petit moment. On va entendre du côté anglophone Black Mountain avec Old Fangs qui était là 8 semaines et qui a atteint le numéro 1 la semaine du 10 au 16 janvier. Et du côté francophone, ce sera Vanessa Pariétaire avec la chanson Le Reflet, qui était là aussi en février passé, qui a réussi à atteindre la 4e position. Bravo à Vanessa Pariétaire. Vanessa Pariétaire, je ne sais pas si tu le sais, Marie-Pierre, parce qu'on ne se l'est peut-être pas dit si souvent que ça, mais ce sont eux qui font la chanson thème d'Assemblage Requis. Ouh! Oui, et tous nos fonds. Donc, bravo à eux. Vanessa Pariétaire, on les aime, on les apprécie, on est bien heureux de les voir dans le top 25. Les voici à C'est fou en 2011, un condensé de la meilleure musique que C'est fou a eu à vous offrir en 2011. Sun is alive. until it's time. Black Mountain et Old Fangs, 21e position du palmarès anglophone. Ça a duré 8 semaines et ça a atteint le numéro 1 la semaine du 10 au 16 janvier. En 21e francophone, c'était Vanessa Rietter avec Le Reflet qui était en 4e position la semaine du 7 au 13 février. Oui. 2011. 2011, hein, faut dire, parce que c'était fou en 2011. C'est le palmarès de l'anneau complet. Et là, on entre dans le top 20. Hein? Par tranche de 5 positions, on va finir par arriver au numéro 1 d'ici la fin de l'émission. Donc, du côté anglophone, la position numéro 20 est occupée par Nance & Nat. C'était une pièce de leur démo qui a été remise sur leur plus récent album, là, celui dont la pièce Huntington provient. Tu sais, Huntington qui est dans le palmarès en ce moment. Là, mais ce sera l'extrait, donc, Tell Me, qu'on entendra tantôt. Et du côté francophone, en 20e, c'est Salomé Leclerc avec Tourne encore, qui était là très récemment dans le palmarès au mois d'octobre. Exactement. Donc. Elle qui, présentement, a la pièce Ne revient pas dans le palmarès. Oui. Mais c'est pas ça là qu'on écoute? Bon. Non. Tourne encore. OK. Maintenant? Maintenant. C'était fou en 2011, mettons? Oui. OK. J'aurai les yeux des marées bleues et le visage du temps pluvieux. J'aurai le cœur sur un nuage, passerai ma vie en décalage. J'aurai la tête sur l'oreiller, à peine poser les plumes aux pieds. J'abandonnerai mon âme d'avant et chercherai celle au présent. Il faudra regarder plus loin qu'un avenir prisonnier en vain. Marquer son nom au bas des pages, laisser des traces au passage. Mais si le ciel sur nous s'écroule, qu'on prenne les marches ou qu'on déboule, j'arriverai toujours à tenir tête, même si j'en ai l'air bête. Tourne encore. Sur de mes pas, je prends le large, les idées un peu moins sages. Je marcherai sans peine sur les eaux, mettrai la nuit au tombeau. Que je sois seule, que je sois folle, que je ris bien ou que je grogne, il y aura toujours sur ma peau blanche mes détours et absences. numéro 20. Mon allègre. numéro 19. The New Pornographers et Moves en position 19. Ça a été là 9 semaines. Ça a monté jusqu'à seulement la 7e position. Je peux pas croire que ça n'a pas monté plus haut que la 7e. Incroyable. Je peux pas croire, mais moi, je sais qui l'a fait rester tout ce temps-là dans le palmarès. Quoi? Moi, c'est peut-être? Oui. T'es en train de dire que j'aime beaucoup The New Pornographers? Oui. T'as pas tort? Et je te comprends. Oui, c'est vraiment bon. Ça a été numéro 7. Bravo à eux pour la semaine du 4 au 10 avril. En 19e francophone, c'était Monogranade avec la chanson M'en aller et aussi qui est montée seulement jusqu'en 3e position dans la 2e semaine d'avril. Mais, ouais. Étrange. Mais tu sais, en même temps, si on faisait un palmarès de seulement des numéros 1 qui ont été numéro 1, mais on ne saurait pas par où commencer et les mettre dans quel ordre. Donc, c'est normal qu'on regarde le nombre une de semaines. Une chance qu'il y en a 25 de chaque voilà. côté. Voilà. Du côté anglo, on a entendu aussi la 20e place, Nans & Nat avec Tell Me. Et en franco, il y avait Salomé Leclerc et Tourne Encore. Ouais. Voilà. On est rendu donc au 18e place. En anglophone, il y aura Diamond Rings avec Something Else. Ça atteint la position numéro 7 la semaine du 29 novembre au 5 décembre de 2010. En 18e francophone, ce sera Malajube avec Sansu, qui est monté dans la semaine du 3 au 9 octobre en 2e position. Mais ça, c'était 2011. Là, c'est 2010. Oui. C'est ça qui est bizarre. Parce 2010? Que, ben, je hein. sais. Mais c'est parce qu'il y a des pièces qui chevauchent les années. Tu comprends, la fin de 2010 et le début de 2011. Et la position la plus haute a été atteinte à la fin de 2010. Mais c'est pas bête. C'est ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, Malajube s'en suit à l'instant même. C'était fou en 2011. au 89.1 FM. C'est la radio Campus de Trois-Rivières. Hein? Content d'entendre ça? Oui. Hey, oh. Something Else, The Diamond Rings, position numéro 18. Ça a duré 9 semaines et ça a atteint la 7e position la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2010. En 18e francophone, c'était Malajube avec Sansu qui est resté, qui a seulement atteint la 2e position. Quoi? Oui, en octobre et qui est resté au palmarès pendant 8 semaines. Eh bien, numéro 2, je comprends pas ces affaires-là. Je comprends pas. C'est pas grave. Mais tout ne peut pas être numéro 1 dans la vie. Hein? C'est ça. D'ailleurs, parlant de numéro 1, ça va être d'ici la fin de l'émission. Il reste de 3 heures environ à passer ensemble. Je pensais que t'allais le nommer. J'étais comme... Non, moi, j'aurais aimé mieux comme toi, ne pas savoir qui s'en vient, mais pour placer nos CD, ça vaut la peine de savoir c'est quoi. Tout à l'heure, en début de deuxième heure, il y aura les meilleurs moments de cette semaine à Assemblage requis. Ça s'en vient, un instant classique, oui. Et on aura aussi les positions numéro 17. Il va y avoir, entre autres, là-dedans, Young Galaxy et les frères Goyette. On va aussi entendre Taco Tsubo et Daco Jones. Dur de... Ouais, les feuilles, hein, c'est... On va en parler tout le long de l'émission, on a de la misère avec les feuilles. Mais pour l'instant, un petit pause. Pourquoi pas? Pas trop long, là, ça va être très, très rapide. C'est assez fou pour l'écouter. Bon, attends, c'est la deuxième heure de l'émission. C'était fou en 2011, où on récapitule l'année au grand complet. On pourrait dire que c'est les palmarès. C'est fou pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Oui. Si on voulait dire des dates, mais c'est pas le cas. Donc, oh, de la polka. Il n'y a pas de polka dans le palmarès, malheureusement. Pas de polka. T'aimes pas la polka? De l'accordéon, puis non? J'en écoute pas assez. On est pas des fans. Je sais qu'il y en a un qui pourrait être dans le thème de Noël. Maman, j'ai raté l'avion. Il y a des joueurs de polka c'est dedans. Vrai? Donc, écoutez, maman, j'ai raté l'avion. Si vous voulez entendre de la polka. C'est ça. Écoutez pas, c'est fou. Ça arrivera pas tant que ça. Ça se pourrait qu'il y en ait. En passant, parlant de d'autres styles musicaux, on va parler plus tard dans l'émission du top 30 électronique et du top 10, top 30 loud, en effet, top 30 loud. Donc, ce sont nos deux palmarès pour l'année au complet de ces deux catégories-là. On a l'habitude de faire le top 10 loud et le top 10 électronique dans les palmarès, c'est fou. Donc, ce sera un peu la même chose. Et puis juste après les prochaines positions, on va avoir les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique, c'est ce qui s'en vient là. Et plus tard dans l'émission, je dois vous dire qu'on a quelque chose de spécial pour tout le monde. C'est un instant classique version toute l'année au complet. Hein? Ça va être gros, ça va être très très gros. Donc 17e position anglophone, Young Galaxy avec Peripheral Visionaries. Et du côté francophone, c'est les frères Goyette avec Mercury, en parenthèse, Pierre Mercury. Non. Ah ben ok, ah. Je vois. Il fait un froid de canard et février demeure le mois le plus tough. Et dame nature pousse sa loque. Voilà que les plus braves déblaient la glace et mettent la table. Le hockey est à la carte. Et certains disent qu'un prodige serait au vestiaire. Un bel vedette, tu dépends, oui, sous un gros pied de terre. Un genre de qui la part, évoluant pour sa brosse à faire, mais qui patine pas, qui joue en slick. L'athlète semble venir d'ailleurs d'un long voyage en porte-conteneur. Mais c'est à déouidir, il y a son passeport, il y a sa paperasse et il y a le CH tatoué sur le cœur. Ouais, il y a le CH tatoué sur le chest. Et certains disent Benjamin avec Crosby. Il met la marque d'enfant chaque fois qu'il se pointe la face à la glace. Oh ouais, c'est une machine, il aurait pu jouer pour la grande ligue. Mais s'il patine pas,

Hey, je savais pas que Bart Simpson faisait une chronique à ses fous. Oui, c'est pas pire, hein? La famille, une bonne partie de la famille au complet, je pense. Lisa, Bart, Maggie peut-être. Et Myriam. Ouais. Myriam Simpson. Ouais. Donc, c'est les meilleurs moments de la semaine. Retrouvez-nous du lundi au jeudi entre 7h et 9h. Et pendant les fêtes, on est en format spécial de 3h, de 7h à 10h avec 4 émissions thématiques. Lundi, c'est Phénomène avec Simon Fitzbay. Mardi, c'est Girl Power avec toi, Myriam, Jasmine, Justine, Stéphanie. Qui manque là-dedans? Pas mal surpris, je pense. Je pense que c'est à peu près ça. Et puis ensuite, mercredi, c'est l'émission spéciale C'est un fait. Et jeudi, c'est un ragoût de chronique avec les chroniques de Sébastien Dulude, ses éditoriaux culturels. Et mes chroniques, ça devrait répondre là. Girl Power, est-ce que c'est en référence aux Spice Girls? À peu près. Faut que vous choisissiez votre rôle. On sait que toi, c'est Mel B. Oui, elle a les cheveux frisés. C'est ça. C'est absolument moi. Ils sont plus frisés que les cheveux. Shotgun sur Mel B. Oui, bravo. Félicitations. Ouais. Oui, j'arrête de parler des passagers. On va entendre les autres numéros. Ah oui, mais avant ça, il faut rappeler aux gens que plus tard dans l'émission, tout à l'heure, en début de troisième heure, on va avoir les meilleurs moments de l'année au complet 2011 à Assemblage Requis. Donc ça va être bon, ça va être encore meilleur que ce qu'on vient d'entendre là. La crème de la crème, comme on dit. Hein, c'est ça. Donc on était rendu à quelle position, Marie-Pierre? En 16e position. Oui, du côté anglophone, il y aura Danko Jones avec Magic Snake. Et du côté francophone, c'est Taco Tubo avec Super Héros qui est arrivé à la première position dans la semaine du 9 au 22 mai. C'était très bon ce Taco Tubo, mais c'est comme passé aux oubliettes après cette pièce-là. On dirait qu'on n'a pas vraiment entendu parler d'eux de nouveau. C'est bizarre. C'est les anciens de Major Bidet et de Major. Donc ils ont changé de nom, Major Bidet, Major et Taco Tubo. Depuis que ça s'appelle Taco Tubo, là, c'est fini ça. Oh. C'est pas tant fini, ils sont quand même en 16e position. Quand même, c'est bon. Il faudrait vraiment qu'ils reviennent à leur ancien nom, je pense. Non? Pas grave. Vous êtes à C'était Fou en 2011, un condensé de toute la meilleure musique de C'est Fou en 2011. Simple de même. Te défendre contre les gros camions, les robots, les explosions, les malheurs qui n'arrivent jamais seuls. Et quand tu pleures, j'essuie le seuil. Ta grande fatigue et la douceur qu'on peine à vouloir retenir. Jamais je ne te souhaitais de tel malheur, mais cette fois-ci, personne ne meurt. À bord de ça, on court un peu. On ouvre la porte, on fourmillière. Sur le plancher, un peu perdu, un peu écrasé par la solitude qui dépose toujours son pied là. Jamais je ne te souhaitais de tel malheur, mais cette fois-ci, c'est elle qui crève. Je vais te défendre contre les gros camions, les robots, les explosions, les malheurs qui n'arrivent jamais seuls. Et quand tu pleures, j'essuie le seuil. Ta grande fatigue et la douceur qu'on peine à vouloir retenir. Jamais je ne te souhaitais de tel malheur, mais cette fois-ci c'est moi, c'est toi. On tourne et tourne autour de tout, de nos pouvoirs qui s'essouffle. On s'accroche mal un peu partout. We'll be right back. numéro 16. You got a makeshift 666 on the back of your skull. The birds and the bees don't come around no more. It's just too bad your honey pot dried up. Now frustration ends in fisticuffs. Slither no more. Fantasies can't turn to nightmares. You got a house full of haunts, but a house just ain't a home. Stay in if you wanna, but your hunger ain't into leaving. You got a wand that don't seem to wanna go. No more. When you was on the scene, before you fell behind the beam, nobody could say a thing. Now you're incomplete. It's a fault you feel it all. Get back in the ring and numb to the sting. No more, slither no more. It don't slither no more. It don't slither no more. It don't slither no more. It don't slither no more. It don't slither no more. It don't slither no more. It don't slither no more. Danko Jones et Magic Snake, hein, ça, c'est différent des autres pièces qu'on a entendues jusqu'à maintenant dans le palmarès. Magic Snake qui est monté jusqu'à la quatrième position, ça a duré 9 semaines en tout sur l'album Below the Belt et ça a été donc numéro 4 la semaine du 17 au 23 janvier 2011. Du côté francophone, c'était Taco Tsubo avec la chanson Super Hero qui était au top au mois de mai. C'était Tsubo dans ce temps-là, c'était Tsubo. Ah, il est pas pire, c'est pas pire celle-là, merci, Mathieu. J'apprécie. Ouais. Vu que c'est le... Garde tes meilleurs pour la fin de l'année. C'est ça. Mais en même temps, vu que c'est la rétrospective de l'année, on aurait pu faire des jeux de mots à chaque position. Mais non. En même temps, pas sûr. Ça aurait été long, hein? Un peu, hein? Il aurait fallu sauter beaucoup de positions. Ouais. On est rendu au 15e place du côté anglophone. Il y aura Weezer avec Hang On, qui s'est rendu jusqu'au numéro 3 en janvier, ça aussi 2011. En 15e francophone, c'est On a créé un monstre avec la chanson Je pleure ou je ris. Ah, je me rappelle, cette chanson-là, c'était bon, ça. Ouais. Ça nous rappelle les souvenirs hein, du temps qu'on animait l'émission l'été en bateau de croisière. Quand hein. T'es jeune. Dans le temps, là. Ah, la jeunesse.

Weezer et Hang On en position numéro 15. Ça a duré 9 semaines et ça a atteint le numéro 3 la semaine du 17 au 23 janvier. On est encore dans les pièces qui n'ont pas atteint le numéro 1 jamais. C'est bizarre, ça. Oh, pas du côté francophone. Ah! Détrompe-toi, Mathieu, parce qu'on a créé un monstre. C'est retrouvé en première position francophone du 23 mai au 5 juin. Avec la chanson « Je pleure ou je ris ». Tout à fait, tout à fait. Mais après ça, on va retomber dans des pièces qui n'ont pas atteint une très, très haute position, en 14e place. Du côté anglophone, ça a atteint le numéro 2, 9 semaines de suite pour « Huckerville River » et « Wake and Be Fine ». C'était numéro 2 la semaine du 29 août au 11 septembre. Ça a été là longtemps, « Wake and Be Fine ». Tout à fait. Et du côté francophone, c'est Jérôme Minière avec le « Café espagnol » qui s'est rendu seulement à la 6e position. Début mars passé. Ouais, mais c'est la première pièce qu'on va entendre de Jérôme Mignon. Il y en aura une deuxième plus tard dans les palmarès. Et étrangement, elle s'est rendue au numéro 1. Oh oui. Oh, le suspense dure. Mais est-ce que c'est le numéro 1 du palmarès au complet? Je le dis pas. Moi non plus. Jérôme Mignon, c'est pour Palmarès C'est Fou. Sur Palmarès C'est Fou présente, c'était fou en 2011. C'est un long nom, mais c'est de même. T'sais. Des choses et des nuits, quelques miens qui lisent numéro 14. Tocqueville River et Wake and Be Fine. Ça descend, en fait, ça descend pas. Je regarde ça, mais je trouve habitué de mes façons de dire les choses. Hein. 14e position, donc ça a duré 9 semaines. Ça a monté jusqu'au numéro 2 la semaine du 29 août au 11 septembre 2011. 14e position francophone, c'est Jérôme Minière avec le Café Espagnol, qui est resté 9 semaines au palmarès. Ouais. Ouais. Ouais. Et je dirais qu'on va réentendre Jérôme Minière plus tard avec une autre pièce, mais je vous dis pas laquelle tout de suite. Pas d'affaire comme ça, on brûle pas les punchs ici. Hein. Non. On ne dit pas du tout ce qui va être numéro 1. Ça pourrait être plein de choses et on vous dirait même pas qu'est-ce que ça pourrait être, parce que si on vous dit ce que ça pourrait être, vous pourriez savoir un indice. T'sais. Genre, mettons qu'on donne un choix. Là. Non, faut pas faire ça. Non. On fait rien. On fait rien. Position numéro 13 anglophone, ça va être sur l'album Commonality de Enjoy Your Pumas et ce sera la pièce Do It Every Day. Juste avant, ce sera Métagruo avec Jupiter en 13e position francophone, qui a été au palmarès en 4e position du 26 septembre au 2 octobre de cette année. Voilà. Ouais. À cette info en 2011, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou vous a offert pendant toute l'année 2011. Waouh, hein? Tout à fait logique. Les gens sont gâtés quand même, je trouve. Ouais. Ouais. Ils sont chanceux, je dirais. numéro 13. Everyday de Enjoy Your Pumas en position numéro 13. Ça a atteint le numéro 2 la semaine du 20 juin au 3 juillet. Juste avant, on a entendu Metagruo avec Jupiter en 13e position francophone. Et cette chanson-là s'était rendue en 4e position dans la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Tout à fait vrai. Restait quand même 9 semaines au palmarès. C'est pas mal. Là, on est dans les 9 semaines depuis un petit bout. Et pour encore un bout, hein, les autres qui ont duré 10 semaines, en anglophone, ça commence au top 3, alors qu'en franco, ça commence au top 6. On l'a dit en même temps! On est rendu aux positions numéro 12. Tiens, du côté anglo, il y aura Atomic Baobab, la formation locale, et la pièce Cut It Up, ça s'est rendu au numéro 2 la semaine du 21 février. Mais on va aller tout de suite entendre Panache avec Catherine ou une journée mémorable en 12e position francophone. Ouais. À quelle émission? C'était fou en 2011. Je sais pas sûr si tu savais comme faux. Ah, on est encore en onde? Ah, OK. Ah, Mathieu. Ah, qu'est-ce qu'on ferait sans lui, hein? Plein de choses, plein de choses. Jette le corps par-dessus le bord dans la fosse empilée. Comme enterrement était fausse idée. Discuter autour d'un café renversé de toute manière bien trop fort. Avec tes papilles saturées, le récepteur et l'émetteur, le téléphone et tes clients que tu abandonnes sans remords pour personne. Les remords le matin, c'est bien trop, c'est certain. Sur le plancher de danse, ton piétine l'ensemble. Mais à quoi tu penses, à quoi tu penses, que tu t'es retrouvé en fait de jambes blanches dans une chambre noire. Et noir encore des remords du matin que tu connais trop bien. Tu le connais trop bien quand tu es et le cellulaire t'explose. La I wonder where Atomic Baobab et Cut It Up en position numéro 12. Ça a été là 9 semaines et ça a atteint le numéro 2 le 21 février. Et en 12e francophone, c'était Panache avec Catherine ou Une journée mémorable. C'est la fin de la deuxième heure de cet effort en 2011. Il nous en reste deux autres, donc on est à la moitié. Et en même temps, presque à la moitié du palmarès aussi. Et le meilleur est à venir. Oh que c'est bien dit ça, on devrait se servir de ça plus souvent, cette phrase-là. Le meilleur est à venir. C'est vrai? Non, c'était pas sarcastique, là. Voyons, arrête de prendre toute personne. Au retour, il y a les positions numéro 11, Chili Gonzalez et Galaxy. Et aussi, qu'est-ce qu'on va avoir? Les meilleurs moments d'Assemblage Ricky 2011. Toute l'année au grand complet, toi, un beau petit bloc, un genre de pain d'épices, là. Tu vas manger la tête, après ça, tu vas manger les bras, après ça, le... Ouais, vous comprenez, là, la fin, ça va être l'entrejambe. Entre... Bah, je sais pas. Ouais. Sur cette note... On va en pause. Je pense qu'on devrait aller en pause. Oui. Se nettoyer la bouche de tout ça. Ou les oreilles. Nettoyer ta bouche. Oui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 C'est la troisième heure de C'était fou en 2011, une compilation des pièces les plus jouées en 2011. Hein, vous aurez compris d'où le nom, d'où l'insertion de l'année dans le titre. C'est pensé. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Mais, donc, on était rendu aux positions numéro 11. Du côté anglophone, on va avoir Chili Gonzalez. Moi, je l'appelle Chili Guns avec Never Stop. Ça s'est rendu au numéro 2 la semaine du 28 février. Et du côté francophone, ce sera Galaxy avec la chanson Shanghai qui s'est rendue au numéro 1 au mois de novembre. Moi, je les appelle... C'est assez récent. Ouais, moi, je les appelle Galax. Comme tu veux. Je le veux. Oui, je le veux. J'aime bien mourir un peu quand je suis avec toi. Holmes. En vrai, j'aimerais que cette pièce ne se termine jamais. Chili Gonzalez avec Never Stop, position numéro 11 pour l'année 2011. 11-11, wow! Ça a duré 9 semaines, ça s'est monté jusqu'au numéro 2, même pas numéro 1, encore une fois, pour la semaine du 28 février au 6 mars. Et du côté francophone, c'était Galaxy avec Shanghai, en 11e position et qui s'est retrouvé à la première position début novembre.

pour l'écouter. 89.1. Songs, if it's better than my love. Well then, wait a minute, wait. The Gaslight Anthem et Bring It On, position numéro 9 du palmarès anglophone pour 2011. Ça a duré 9 semaines et ça a été numéro 2 au maximum, du 6 décembre 2010 au 9 janvier 2011. Du côté francophone, c'était Panache avec Bouvier Bernois en 9e position. C'est resté pendant 9 semaines au palmarès et ça a atteint la première position en novembre-décembre 2010. Ouais, il faudrait expliquer une fois de temps en temps dans l'émission d'aujourd'hui pourquoi on a des affaires de 2010 dans un palmarès de 2011. Mais oui, pourquoi on est en 2011? Parce que les choses qui ont chevauché d'une année à l'autre et ça donne que ça a passé beaucoup de semaines en 2011, donc on les met dans le palmarès de 2011. Bon, c'est clair ça. Évidemment, on répète aussi qu'on passe des pièces qui ont duré le plus longtemps. C'est pas le palmarès des meilleures pièces de 2011, mais bien des pièces qui ont eu le plus de longévité dans l'année. Est-ce que c'est clair? Pas tout à fait certain, mais bon, quand même, c'est pas si pire. Une fois expliqué, ça a du sens. Hein? On est rendu au 8e place. En anglophone, ce sera Hooded Fang et Laughing. Du côté francophone, c'est Jérôme Dupuis-Cloutier avec Johnny Malaise. Jerry Dick. Jérôme, Jerry, DC Dick. Jerry Dick. Hein? Mes prénoms, mes surnoms ne marchent pas vraiment. Quand il faut les expliquer comme ça, ça ne marche pas vraiment. Non. C'est comme toi, tu sais, Marie-Pierre Laforge-Bourret, Maple Bee. Maple Bee. L'abeille à l'érable. Ouais. Ça a bien, bien de sens. Dans ma tête. Dans ta tête. Vous êtes à C'était Fou en 2011 au 89.1 FM. L'embarras du choix, c'est fini. C'est lui qui t'a choisi. Sur ton front, il vient t'écrire qu'il est faux ton sourire. C'est là qu'il se promène. Johnny Malaise sur ton chemin cassant le tien. Une main moite tu lui tends. Il lui crache dedans. Par la il te frappe pour que ton petit cœur dérape. J'aimais bien où tu mets les pieds, c'est là qu'ils se promènent. Johnny Malaise sur ton chemin cassant le ciel. Numéro 8. Dancing on, dance with you. flat quarters leave me close to you. And as the days stumble by, I look to you, and you're always there to say, no matter, baby, what the days bring, I'll be there. I'm here to hold you as the door seems to crumble, and in the times when it all seems so stale, I'll be with you when the going gets going. Fang et Laughing, position numéro 8 du palmarès 2011 en anglophone. Ça a duré 9 semaines, ça a atteint le numéro 2 pendant 2 semaines, les semaines du 10 et du 17 janvier. En 8e francophone, c'était Jérôme Dupuis-Cloutier avec Johnny Malaise. Oui, on est rendu au 7e place, quand même, les choses avancent vite. Ben oui. Du côté anglophone, Wilco avec une pièce de l'album The Whole Love, c'est I Might. Du côté francophone, directement de Trois-Rivières, Bio Bazar. Downtown! Avec Moon Queen, l'édition radio, en fait. Oui, c'est ça, édition radio. L'autre est très, très longue. J'aurais aimé la jouer aujourd'hui, mais je pense qu'on n'aura peut-être pas assez de lousse pour le faire. Donc, allons-y avec la version radio. Hein. Et cette pièce-là a atteint le numéro 1 dans la semaine du 10 au 24 mars et dans la semaine aussi du 21 au 27. Donc, bravo, elle très, le méritait. Très au top au mois de mars. Tout à fait. Ouais, c'était sa saison. Ça aurait pu être en janvier. Ben, c'est Danny Janvier, c'est première fois qu'on fait ce jeu de mots-là à vie. Ça doit. Vous êtes assez t'es fou en 2011. Ça va te faire plaisir. Thank you.

Wilco et I Might. Et ça, c'est la position, évidemment, numéro 7 sur l'album The Whole Love. C'était numéro 1 la semaine du 24 octobre. Au numéro 7 francophone, c'était Bio Bazar avec Moon Queen, l'édition radio. Bio Bazar, qui, on le sait, est Danny Janvier. Oui, animateur du Dîner de con, lundi au jeudi entre 11h et 13h. Et d'ailleurs, c'est bien de le rappeler parce que le Dîner de con aussi va avoir des éditions spéciales la semaine prochaine, celle du 26 janvier, et la semaine du... non, 26 décembre, évidemment. Et du 2 janvier, évidemment encore. C'est sur l'insolite, le plus insolite de l'année. Top insolite de l'insolite, genre, voilà. Et il va par mois, en plus, c'est vraiment super thématique, c'est très bien fait. C'est lundi au jeudi, entre 11h et 13h. On est rendu aux positions numéro 6 pour terminer cette heure. Du côté anglophone, il y aura Black Lips avec Modern Art, qui était numéro 1 la semaine du 19 septembre. Et du numéro 6 franco... Et au numéro 6 francophone, c'est Brady Cardi avec Et si jamais, qui n'a jamais atteint la première position. Et si jamais, j'avais jamais été au numéro 1, mettons. On pourrait appeler ça comme ça, mettons. En tout cas, ils l'ont jamais été. Ils se sont rendus au numéro 2 au mois de septembre, début octobre, et sont restés dans le palmarès pendant 10 semaines. 10 semaines qui est très respectable. Hein. On entre du côté francophone dans les pièces qui ont duré 10 semaines. On va ensuite monter plus tard dans les pièces qui ont duré 11 et même 12 semaines. C'est assez incroyable. 10 semaines, ça frôle le 2 mois, là. Ouais, c'est beaucoup. C'est même pas mal. Deux mois et demi, là, pas mal, je dirais, pas mal, genre, c'est comme... donc, voilà, c'était fou en 2011, hein? 89 FM, c'est fou. Mettons. Et si jamais on allait écouter la chanson à la place et de si parler? Jamais. C'est ça. Stand. Black Lips et Modern Art en position numéro 6. Ça a été présent 9 semaines et ça a été numéro 1 la semaine du 19 septembre. Juste avant, c'était Brady Gardy avec Et si jamais en 6e position francophone, chanson qui est restée pendant 10 semaines au palmarès. On se laisse quelques minutes, on revient avec le top 5 de l'année 2011. Là, c'est vraiment, ça commence à être quand même quelque chose, là. Oui. Hein? On va entendre au retour, entre autres, Jérôme Minière, Galaxy, Karim Ouellet, Final Flash, Braze et The Kooks. Qui sera numéro 1? On le sait pas. C'est peut-être dans ceux que je viens de mentionner, peut-être pas. Surtout pas, là. Plus pas, je veux dire. Ça s'en vient bientôt, de toute manière. Bon, Colin. T'es patiente, toi, hein? T'as l'air d'une fille patiente. Oui. Ouais. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89-1. Quatrième et dernière heure de C'était fou en 2011, votre récapitulatif des pièces qui ont le plus joué à C'est fou en 2011. Hein? Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est Marc-Pierre Lafauche-Bourret. Oui, on approche vraiment dangereusement du numéro 1. Il va falloir faire attention. Protéger. Vous pouvez faire vos paris. Oui, c'est ça, les paris sont ouverts, les lignes ne dérougissent plus en ce moment, les bookies sont bookés, etc. etc. Donc, du côté anglophone, on est rendu à la cinquième place, ce sera Final Flash avec The Awakening, qui a duré 9 semaines et qui est monté au numéro 1 là, en décembre 2011, pas 2012 quand même, là, hein? Ce sera l'année prochaine peut-être? Ouais. Mais oui. Du côté francophone, c'est Jérôme Minière qu'on voit dans le palmarès pour la deuxième fois, qui était aussi en position, en position 14. Et cette fois-ci, c'est avec la chanson « Des pieds et des mains » qui est restée 10 semaines dans le palmarès et qui s'est rendue au numéro 1 en novembre. Bon, on écoute c'est ça à l'instant. Ben oui. Ah, c'était fou en 2011. Hein? C'est de la donge, des affaires de 2011, puis ça s'appelle « C'était fou en 2011 ouais. ». C'est pas bête. Quand nous aurons tout avalé, tout consommé, tout consumé, quand nous aurons tout englouti, comme des fourmis sur un fruit, il ne restera que nos corps. Nous commencerons par les pieds, puis nous mangerons notre main, et nous garderons l'autre pour demain, jusqu'au jour où de la planète il ne restera plus que nos têtes, qui fileront comme des comètes à travers. Avaler, tout consommer, tout consumer, nous devrions nous réveiller de ce rêve malsain qui nous tient. Il ne restera que nos corps, nous commencerons par les pieds, puis nous mangerons notre main, et nous garderons l'autre pour demain, jusqu'au jour de la planète. Il ne restera plus que nos têtes. Bien sûr, il sera trop tard pour faire des pieds et des mains, des grimaces sans beauté. Il ne restera que nos corps. Nous commencerons par les pieds, puis nous mangerons notre main, et nous garderons l'autre pour demain, jusqu'au jour de la planète. Il ne restera plus que nos têtes. Travers la galaxie. 5. Final Flash et The Awakening en position numéro 5 anglophone. Ça a duré 9 semaines et ça a été numéro 1 en décembre 2011. Et juste avant, c'était Jérôme Mignard avec des pieds et des mains en 5e position. Tout à fait, tout à fait. Alors, il nous reste le top 4 à faire. Hein. Après ça, il va y avoir les 3e, après ça, les 2e, après ça. Ouh, les numéros 1 de l'année! Yeah! Parce que vous écoutez, c'était faux en 2011, hein, pour ceux qui ne savaient pas. C'est le condensé de la meilleure musique que C'est fou vous a offert au complet dans l'année, comme pendant toute l'année. Les chansons qui sont restées le plus longtemps dans le palmarès. C'est ça, faut le répéter parce que c'est pas évident à comprendre. Là. C'est pas les meilleures pièces selon nous. Là. C'est les pièces qui ont duré le plus longtemps pour une raison ou une autre. En 4e place anglo, ce sera Braids avec Plath Heart. Yeah. Oh boy! J'ai eu un chat! Oh my god, oui. J'ai un gros chat! En 4e position francophone, ce sera Galaxy avec Piste 1. Qui est resté, qui a été en première position dans le palmarès en février et en mars dernier. Ah, quand même. Et qui, on le rappelle, a été aussi dans le top 25 des chansons de l'année avec la pièce Shanghai en 11e position. Deux pièces, hein. C'est quelques artistes ont fait ça, mais. Oui, Jérôme Mignard, Galaxy, entre autres. Entre autres. On écoute ça à C'était fou au 89.1 FM. La radio Grand Plus de Trois-Rivières. Hein. La seule, l'unique, la meilleure. Je me suis sauvé doucement sans moi. Tu t'en

La pièce Is It Me de The Kooks, position numéro 3, ça a duré 10 semaines. Là, on entre vraiment dans les choses sérieuses. 10 semaines, ça a été numéro 2 au maximum. Ça, c'est quand même surprenant, une pièce. 10 semaines, là, mais jamais numéro 1. Donc, la semaine du 7 au 13 novembre. Voilà. Du côté francophone, en troisième position, c'était Karim Ouellet avec la pièce, la très bonne pièce Météor. Ah, carrément, c'est bon ça. Ouais. Qui est arrivé au numéro 1 en mars et avril dernier et qui est resté dans le palmarès pendant 11 semaines. Oh, c'est encore mieux que du côté anglophone, ça, 11 semaines, c'est les big leagues, les grandes affaires, toi là. C'est pas bien. Non, du tout. On est rendu au numéro 2, hein. Vraiment, on va arriver aux premières positions très, très bientôt et après ça, on aura du temps pour aller s'entendre d'autres choses qu'on a sauté tout à l'heure. Donc, du côté anglophone, au numéro 2, ça a été là pendant 10 semaines aussi. Ça a atteint seulement le numéro 2 la semaine du 19 septembre. C'est Man Man avec Knuckle Down. Et du côté francophone, en deuxième position, c'est les Vulgaires Machins avec Et Même Si, qui a réussi à être en première position tout dernièrement, en fait, du 10 au 16 octobre et du 17 au 23 octobre, donc deux semaines consécutives, et qui est restée, elle aussi, pendant 11 semaines dans le palmarès. Et même si ça n'a pas été numéro 2, on aime ça quand même. On aime ça quand même. Peut-être que ça a été numéro 2 aussi. Ouais, c'est ça. Hein? Peut-être qu'elle a aussi été en numéro 2 à un certain moment. Tout à fait, t'as raison, c'est ça, ouais. En voulant faire une blague. Je m'excuse de gâcher ma blague. Je m'excuse, Mathieu. Tu gâches ma vie, Marie-Pierre, c'était ta dernière semaine à l'émission. Bon, c'est ça, tu mets d'or. Indice, hein? Ouais. On a eu peur, on a eu froid, on a rempli des salles vides. Et vider des salles pleines. On s'est brisé des doigts. On a signé des chèques. On a perdu la voix. On s'est fait lancer des bouteilles de Jack vide. Même s'il faut se dire adieu. Et même si le nuage résiste au soleil et les mohawks se délavent, mon cœur est encore en feu. On a mis de la poussière dans l'engrenage. On s'est fait voler des centaines de fois. On a écrit des tunes plates. On a menti aux médias. On s'est engueulé avec notre agent de presse. Mais on a fait la paix. On a transgressé des lois. On s'est fait fouiller aux douanes. Et même si le nuage résiste au soleil, même s'il ne reste plus rien, mon cœur est encore en feu. Une loge pleine de rats devant des chiens. Il fait moins d'humains que des chiens. Et on pognait des chocs. On a roulé 40 heures pour 40 minutes de spectacle. On s'est battu à main nue et insulté les. assez fou pour l'écouter. 89.1 Numéro 2. Man, position numéro 2, ça a été là pendant 10 semaines. Ça a atteint le numéro 2 la semaine du 19 septembre 2011. Et en deuxième francophone, c'était Les Vulgaires Machins avec la chanson Et même si, qui est restée pendant 11 semaines dans le palmarès. Ouais, en octobre, ça a atteint le numéro 1. On l'a dit tantôt, numéro 1. Pas oui. 2, 1. Et justement, par rapport au numéro 1... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te suis pas du tout, là. Est-ce que tu nous as préparé des petits jeux de mots? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, même si c'est pas les palmarès, c'est vrai, d'habitude, au palmarès, c'est fou. On fait des jeux de mots avec les numéros 1. C'est comme ça. Faut bien finir l'année. Tout à fait. Où que vous soyez, que vous soyez en campagne, dans la grande ville, que vous ayez envoyé des lettres comme ça. Parce qu'en campagne, ils envoient bien des lettres, apparemment. Ça marche encore bien fort, les bureaux de poste là-bas. Parce que ça, ils veulent privatiser ça, les affaires. Là. Privatiser les bureaux de poste. Là. Mais il va quand même y avoir des timbres. Okay. Ils vont coûter quand même super cher, les timbres. Okay. Stamp, c'est time. C'est bon. C'est pas tes préférés, hein. Si t'avais à prendre, mettons, des notes, mettons, donner une note sur 10 avec des cœurs, mettons. Ouais. T'en dessinerais peut-être pas nécessairement 10 pour ce jeu de mots-là, hein. Non. Non. Cœur, rubé. Ouais. Bravo! Merci! Comme bravo, Funken. Voilà, on a fait nos jeux de mots. Ils étaient super mauvais, mais je pense que c'est ce qu'on veut tous. C'est ce qu'on veut tous, des jeux de mots poches. Hey, on y va selon nos capacités. Hein? Et voilà. Mais merci. Surtout que tu t'en vas très bientôt. Tu vas faire ton départ, ton grand départ, Departing. C'est le nom de l'album de Rural Alberta Advantage. C'est bon. Quand même. Hein? C'est le meilleur, je pense, de la gang. Oui. Donc, on entendra donc Rural Alberta Advantage au numéro 1 avec Stamp. Ça a duré 10 semaines. C'était numéro 1 le 28 mars. Et du côté francophone, on va entendre Bravo Funken, qui était dans le palmarès dernièrement, en fait, début octobre du 3 au 9 et fin octobre. Donc, qui est revenu au numéro 1 et s'est resté pendant, dans le palmarès pendant 12 semaines. Donc, c'est vraiment la pièce qui est restée plus longtemps. Incroyable. Non, vraiment, ça, c'est très, très fort. 12 semaines, on voit rarement ça. Donc, Bravo Funken, tout de suite, à C'était fou en 2011. Sur C'est fou 89 FM. C'est la chanson Carubé. Oui. Oui. Oui. Dur à faire, ça. Pas capable. C'est pas ma fête, je fais quand même un vœu. J'aimerais tellement être la mèche du milieu, la tresse dans tes cheveux. Je glisse sur tes cils pour voir dans tes yeux les couleurs de ton bleu. Tu bats des paupières, ça m'envoie en l'air. J'aimerais comprendre ton tonnerre thoracique. T'aurais à prendre ton cœur rubique. Je veux emmêler les lignes de mes mains pour qu'elles poussent avec tes cheveux. Louer l'avenir, peigner le destin. Quand ton sourire a l'air un peu faux, moi j'imagine le pire. T'es dans le lavabo, me glace le dos. Voilà, c'était les positions numéro 1 de l'année 2011 à cet effort en 2011. Hein? Le palmarès, c'est déjà fini. Oui, déjà après 4 heures seulement. Hein, quand même, c'est court, court, court. Donc, on va faire un petit résumé de chaque côté. Choisis ton côté. Hein. OK, j'ai choisi francophone. D'accord. En troisième position, c'était Karim Ouellet avec la pièce Météore. En deuxième, c'était Les Vulgaires Machins avec Et Même Si. Et en première position, qui est la chanson Cœur Rubik de Bravo Funken qui est restée au palmarès pendant pas moins de 12 semaines. Et qui est assez récente dans les palmarès, qui date du mois d'octobre. A atteint la première position au mois d'octobre. On s'en rappelle très bien. Oui. Du côté anglophone, la troisième place, c'était The Kooks avec Is It Me sur l'album Junk of the Heart. Ça a atteint le numéro 2 en novembre. En deuxième position, ça a duré 10 semaines, Knuckle Down de Man-Man sur, oui, l'album Life Fantastic. Ça a été numéro 2 ça, en septembre. Et en première place, ça a duré 10 semaines, The Rural Alberta Advantage avec Stamp sur l'album Departing. Ça a été numéro 1 la semaine du 28 mars. Oui, monsieur, c'est tout à fait vrai. Avant de continuer avec d'autres pièces bonus, etc., etc., on va regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Vous savez, au Palmarès C'est Fou, on a tendance à faire ça à chaque semaine, là, parler des top 10 loud, top 10 électroniques, top 10, comment t'appelles ça, l'autre, top 30 des CD. Hein? Oui, exactement, oui. Exactement. Mais aussi, accessoirement, pour cette... Attends, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Je suis en train de mettre un fond. Wow, hey, c'est beau. Donc, on va parler du top 30 électronique et du top 30 des albums loud. Mais ceux-là, il faut les expliquer un petit peu plus oui. Comparé à nos top 25, qui sont vraiment des pièces qui ont duré le plus longtemps. Ici, ce sont des albums, premièrement. Mais en plus, le top 30 électronique a, la frivolité de ne pas être dans l'ordre. Oui. Donc, on va nommer seulement les artistes, c'est pas les albums. Aléatoire. Aléatoire, en oui. effet. Mais tu sais, ils voulaient être égal avec tout le monde et pas donner de numéro. Donc, on va nommer... On va y aller moitié-moitié, mais à peu près, mettons, parce qu'il n'y a pas de chiffres ou du tout. Donc, mettons qu'on va nommer comme ça au hasard. Je vais faire la moitié, tu vas faire l'autre moitié. Ça va? Vas-y. Donc, on retrouve dans le top 30 MFMB, C'est My Mime, Sister Crayon, Sin Fang, IMX, Adventure, Mob Throw, Panda Bear, LOL, Blue Sky Black Death, Freedom or Death, Sunlux, 13 and God, Germany Germany et Ostra. Il y a également Amon Tobin, Ear Power, Power. J'imagine. PWR, Planning to Rock, Glowbug, Zaza, Hooray for Earth, Architect, Hugo Kent, Apparat, Lonnie Deer, Bjork, Radiohead, M83, The Golden Filter et Trent Muller. Voilà. Dans le top 10 loud, on va faire seulement les 5 d'en haut parce que lui, il a la frivolité d'avoir écrit le nombre de semaines que chaque album a été présent. Donc, on va y aller en... Là, c'est vraiment pas des places, là, mais je commence par Titan's Eve avec The Divine Equal. Ensuite, Revocation avec Chaos of Forms. Ensuite, Ghost avec Opus Eponymous. Children of Bodom avec Relentless, Reckless Forever qui a duré 15 semaines. Et Motorhead avec The World is Yours qui a duré 17 semaines. C'est beaucoup 17 semaines. Vraiment, hein? Oui. Ça doit être bon, ça. Ça doit être bon. Motorhead, The World is Yours. Voilà pour ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Maintenant, on va y aller avec des choses qu'on a sautées plus tôt dans l'émission. Et on va y aller du côté anglophone parce qu'on a joué le franco complet. Donc, c'est quand même bien. Du côté franco, on avait sauté par-dessus des doublons, là, des groupes qui étaient deux fois dans le palmarès. Donc, on va entendre tantôt Atomic Baobab avec la pièce Unstable. Mais on va débuter avec The New Pornographers en 22e place. La pièce s'appelle My Shepherd et ça atteint le numéro 1 la semaine du 31 janvier. C'est dit? Oui. On s'est pas trop mêlé quand même. Donc, on écoute ça et puis on revient après pour se dire au revoir. Au revoir. C'est triste. Oui, ça commence triste, la pièce. Ça fait de bien. Work shards decorate this house. We're tossing lost starts out windows. The splash and jangle of a secret science defined. You claim some golden age is upon us. You always love short story form. The science behind it, the hidden. Close our stare into morning sun when the dots form in. Atomic Baobab et Unstable en position 24. Ça a duré 8 semaines et ça a été numéro 1 en mai 2011. Avant ça, on a entendu The New Pornographers et My Shepherd, qui a aussi duré 8 semaines et qui a aussi été numéro 1, mais la semaine du 31 janvier 2011 sur l'album Together. Voilà pour les deux pièces. En fait, pas bonus parce qu'on les avait juste sautées en début d'émission. C'est pour ça. On va se quitter d'ailleurs avec une pièce. Là, cette oui. fois-ci, c'est vraiment bonus. Là. Oui, c'est une pièce bonus parce qu'on s'est rendu compte que Feast avait fait bonne figure. Feast avait fait bonne figure dans les palmarès cette année en apparaissant 10 fois avec la chanson The Bad in Each Other qui est sur un très bon CD d'ailleurs. Moi, Feast, c'est dans mes CD préférés de l'année. Mm-hmm. Parce qu'elle elle propose quelque chose de très différent de ce qu'elle a proposé auparavant. Un peu plus sombre, mais c'est touchant. C'est, en tout cas, moi, ça, j'adore ça. L'album qui s'appelle comment? Très bien. Metals. Oui, Metals. D'accord. Une très belle pochette. Oui, on va écouter. C'est vrai que c'est beau. Oui. On va écouter la pièce The Bad in Each Other qui est présentement dans le palmarès anglophone, si je me trompe pas. Oui, présentement dans le palmarès anglophone. La semaine passée, c'était au numéro 13. Parfait. On va se quitter là-dessus et puis on va se retrouver. En fait, l'émission, commençons par dire les rediffusions. Là, cette émission que vous écoutez en direct peut-être le jeudi, elle va repasser le vendredi entre 17h et 20h. On parle ici du 23 décembre et ça va rejouer le. Je crois que c'est le jeudi 5 janvier. Entre 14h et 18h aussi, donc là, dans la même case horaire. On va se retrouver en direct la semaine suivante. Ça va être la semaine du 9 janvier. On va être toujours les jeudis entre 14h et 17h. Donc, soyez-y. Toi, par contre, Marie-Pierre, tu seras pas là? Non, je serai pas là. Des obligations la session prochaine m'empêchent de venir au palmarès. Mais je vais peut-être arriver quelquefois à venir faire un petit tour, dire coucou. J'espère. Tu vas peut-être nous amener quelque chose de fun à dire, là. Des petites blagues. Tu vas peut-être rire de mes blagues drôles, là. Je vais me forcer. Ouais. Reste à l'écoute pour savoir qui va co-animer avec moi la session d'hiver 2012. Je vous réserve des surprises. Oui. Peut-être pas aussi. Dépendant. Pas de surprise? Ben, peut-être que les gens savent déjà qui. Ah? Peut-être qu'on a déjà mentionné quelque chose, des petits indices une fois de temps en temps. Mettons. Je ne sais pas. Peu importe. Donc, ce sera en janvier, les jeudis, à 14h. Toi, évidemment, tu vas être avec nous pour l'émission Assemblage requis, les mardis matins, pour ta chronique littéraire, aux deux semaines. Oui. Ça va commencer dès la première semaine, donc dès le 10. Oui, et si vous voulez écouter, probablement que le 10 janvier, dans très bientôt, je risque de parler de peut-être la censure en littérature. La censure? Oui. On n'aime pas la censure. En glisser un mot, là. Ça va être bon, ça. J'ai bien hâte d'entendre ça. Donc voilà, passez un excellent temps des fêtes. Et puis, n'oubliez pas d'écouter les émissions spéciales d'Assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h. 4 émissions thématiques, vous allez adorer ça. Et allez sur assemblagerequis.com pour télécharger les balados de diffusion de nos émissions et lire les notes de l'émission. Oui. Tous les liens sont là. Allez-y, et soyez notre ami sur Facebook tant qu'à ça. Hein? Oui. On se quitte avec une pièce de Feist pour toi, Marie-Pierre. Oh, The Bad in Each Other. Oh, ça me fait plaisir. Merci d'avoir co-animé avec moi les palmarès c'est fou pendant tous ces mois. C'était le fun, c'était plaisant, c'était très plaisant. Oui, puis on va te revoir à la co-animation. C'est pas comme si t'arrêtais de co-animer. Non, c'est pas pour toujours. Moi, c'est ça. T'es bien aimé. Tannante. Merci de l'écoute. Merci, Marie-Pierre. Merci à vous, les palmiers. Oui. En janvier. Oui.